Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. Lorsque Justine Lacroix, charmante journaliste télé, rencontre un séduisant chirurgien urgentiste, c'est tout de suite le coup de foudre et le début d'une grande histoire d'amour. La jolie blonde parisienne et le grand brun de Nanterre deviennent vite inséparables. Mais il y a juste un petit détail que Justine a oublié de prendre en compte. L'homme qu'elle aime est arabe. Enfin, français issu de l'immigration. Un détail pour Justine et Jalil, mais pas pour leurs familles respectives. Bon, voilà. Je me lève tôt. Ah non, moi demain je suis off, je me lève pas tôt. Non, moi je me lève tôt. Ton prénom c'est Jalil. Et son nom ? Boudaoud. Oh, quand même. Oh, mais il est pas terroriste, il est médecin. C'est ici qu'il faut sauver Willy ? C'est Justine ça ? C'est une copine. Une copine ? Oui. Elle est française ? Bah oui, maman, Justine, elle est pas malgache. Mais pourquoi ? Zappé, on est au ramadan. Quel courage, ils ont ces gens-là. Il faut dire que c'est des grands voyageurs. Jalil me fait visiter la cité. Ouais, c'est la classe, là. Ouais, c'est vrai, plutôt que de l'emmener à Venise, tu l'emmènes à Nanterre. S'imagine sur leur chameau majestueux. Ah bah parfait, comment ça va ? Si on l'invite à dîner, Charles ? C'est Sonia Boudaoud. Je m'y fais pas, hein. Qui doit épouser Farid Bouchentou. Il reste du jambon, une comédie d'Anne de Petrini, un DVD Gaumont Columbia Tristar.